gang gang gang gang gang gang gang. C'est tout ce que tu sais dire quand tu es près de moi. Gang gang gang gang gang gang gang gang. Et quelquefois, pour varier, tu fais claquer tes doigts. Tu pourrais au moins changer de thème. Et si tu y penses, me dire je t'aime. Gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang. Mais tu préfères continuer toujours ce rythme-là. J'ai fini par perdre patience. À mon tour, j'ai battu la cadence. Gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang. En quelque sorte, tous les deux, on est heureux comme ça.